pendant que je vous raconte ce qui m'est arrivé, alors que j'étais tranquillement allongé dans mon pré. Lorsqu'un de vos trains est venu lamentablement se vautrer sur mon piquet dans les barbelés. Je ne comprends pas pourquoi vous trouvez ça intéressant quand il y a un accident avec des morts et des blessés. En tout cas, moi, je suis devenu la star du troupeau parce que je suis passé à la télé. Tout le monde croit que les vaches aiment voir passer les trains, mais c'est pas vrai. Tout le monde croit que les vaches aiment voir passer les trains, mais il n'en est rien. Papala, papala, papala, papala, papala, papala, papala, papala. La vie de vache n'est pas de tout repos, oui je me plains, et vous risquez de me trouver un tantinet chipoteuse. Mais on nous fait subir tant de choses et pas des plus gaies comme les saillies ou bien l'épreuve de la treilleuse. Croyez-vous qu'on s'éclate quand on sent cette sale machine qui nous tire sur les pieds en cadence infernale, même en heure creuse? Qu'est-ce qu'on regrette le temps passé où notre bon fermier nous gratifiait de la chaleur de ses mains calleuses? Tout le monde croit quand on nous traite, ça fait du bien, mais c'est pas vrai. Tout le monde croit quand on nous traite, ça fait du bien, mais il n'en est rien. Papala, papala, papala, papala, papala, papala, papala, papala. Quand on pense à tous les services qu'on rend ou les qu'on donne, tout ça pour terminer en steak ou en rôti dans un rayon. J'espère bien que je finirai vache folle, parce qu'elles au moins sont reconnues impropres à la consommation. Finir dans une assiette, ce n'est pas franchement motivant, convenez-en, alors il ne nous reste plus que l'évasion. N'oubliez jamais la morale du film, la vache et le prisonnier, nous méritons votre attention. Les vaches ne finissent pas tout en sac à main ou en coussin de canapé, pour ne pas finir en coussin ou sac à main, on jette sous les trains. Tac tatoum, tac tatoum, tac tatoum, tac tatoum, tac tatoum, tac tatoum, tac splash, la vache.